pas que la vie passerait si vite. Et puis qu'est-ce si triste, balance les pesticides sur des bouquets de roses, mes frères civiques. C'est précipice et chaque image te blesse l'iris. J'aime la noirceur, chez elle, elle me laisse y vivre. La galère récidive, y'a des barrières partout, alors mes rêves s'y brisent. Au bord du précipice, tu connaissais la dèche ici. Pour s'en sortir, les mecs deviennent des stylistes ou des chimistes. C'est sur nos sons, c'est pas des récivils. Y'a pas de trêve ici, d'ailleurs précilite. Toujours faille à quand j'y kick. Je serai jamais civique, ça les amuse de buter des civils. Je serai content quand j'aurai touché les 10 000. Toujours en déficit, on vit de quête fictive. Il faut que je rectifie le tir chez nous, la poisse par cycling. On se précipite, sachant que la réussite est très timide. Et très tirée des mecs typiques qui kick sur des crazy beats. J'suis pas d'humeur dansante, de ma vie ce n'est qu'un plan d'ensemble. On évolue mais on reste de grands enfants. C'est pas la fête mais y'a quand même des joies de temps en temps. J'suis pas d'humeur dansante, de ma vie ce n'est qu'un plan d'ensemble. On évolue mais on reste de grands enfants. C'est pas la fête mais y'a quand même des joies de temps en temps. J'ai beau voir que je vais mal, que ma vie est un dépotoir. J'fais pas grand chose pour changer, j'fais que boire et fumer des grosses barres. C'est pas des vies qu'on mène, j'ai pas envie qu'on mène. J'suis seul et puis j'évite qu'on m'aime. Et le cœur prend le dessus vite quand même. On veut de la thune en plus, sur le fil du rasoir des funambules. La route est longue comme un trajet d'Airlune en bus. Pourtant pas des brigands, ni des sales crapules. L'histoire écrate ta vue, c'est des lance-pierres face à des catapultes. Regarde, c'est pas la fête, quand tu te lèves t'as la flemme. Et t'as la famille à nourrir, tu fais semblant d'avoir la pêche. Le moral au plus bas, on respire au tuba. Même debout bien réveillé, j'ai l'impression d'être au plus mal. En 16 mesures, c'est ma vie que j'étale. C'est plus moi que mes empreintes digitales. C'est plus violent qu'une chute de 10 étages. La suite nous horrifie, pire elle nous momifie. Y'a que des momies ici, mais on nous baisse, protège tes orifices. La poisse nous horripile, mais pas les plumes malotis. J'aimerais donner de l'espoir aux qui c'est la merde. Nettoie, va leur dire, connaissent la valeur d'or. Savent pas que c'est la cause des malheurs d'hommes. Surtout qui courront après jusqu'à leur mort. Faut que je coupe le fil de ma double vie. J'suis dans le doute depuis, que je ressens même plus les gouttes de pluie. Sur la route je fuis, ceux qui me disent rien à foutre de lui. J'fais du foot de nuit, shoot le vide et normal j'loupe le mille. J'suis pas d'humeur dansante, de ma vie ce n'est qu'un plan d'ensemble. On évolue mais on reste de grands enfants. C'est pas la fête mais y'a quand même des joies de temps en temps. J'suis pas d'humeur dansante, de ma vie ce n'est qu'un plan d'ensemble. On évolue mais on reste de grands enfants. C'est pas la fête mais y'a quand même des joies de temps en temps.